بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence, on reprend donc aujourd'hui c'est notre cours 119 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à l'endroit dans le livre. Maintenant, le cheikh va expliquer encore d'autres versets dans le Coran. Et il dit par exemple ici, « Wa kama qala ta'ala » Donc c'est dans Sourate Al-An'am. Il dit « Kama qala ta'ala »« Wa qala lawla unzila alayhi malak »« Walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzaroun »« Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan » وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل عليه السلام. Donc ici le cheikh il dit ensuite يعني en citant le verset 9 le verset 8 et 9 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement une affaire faite. Puis on ne leur eût point donné de délai. C'est-à-dire, si on avait fait descendre un ange, eh bien, ça aurait été une affaire déjà réglée, une affaire faite. Et on ne leur aurait pas donné aucun délai. Et si nous avions désigné un ange comme prophète, eh bien, nous aurions fait de lui un homme. Hein? Donc ça, c'est le verset que le cheikh a mentionné. Puis il a mentionné le verset 23 dans Surat At-Takwir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin » Hein, il l'a certes vu à l'horizon clair, hein, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait des petits commentaires ici par rapport à ça, par rapport à ces versets-là. Il dit وَلِذَلِكَ كَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامِ يَأْتِي إِلَى الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا فِي صُورَةِ رَجُلٍ يعني يأتيه في صورة رجل ويجلس معه والناس ينظرون ويتكلم معه كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يعني يأتي في صورة رجل يألفونه وينظرون إليه ويسمعون كلامه ويستفيدون منه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لو أنزل الملك ورأوه لقضي الأمر ولهلكوا ثم لا يؤجلون بل تحل بهم العقوبة والعذاب والعياذ بالله ولجعلناه رجلا لأجل أن يكلموه ويروه رجل من جنسهم. Donc ici, le cheikh explique que Jibril alayhi salam, il venait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement en forme humaine, en forme d'être humain. Et il venait donc avec l'apparence humaine et il s'assoyait avec lui et les gens le voyaient et il parlait avec lui. Et comme c'est mentionné dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril, comme on le connaît, qui est rapporté par l'imam muslim, et dedans, il mentionne qu'il y a un homme qui est venu vers nous. Il dit, il y a un homme qui est venu vers nous dont les vêtements étaient très blancs et dont les cheveux étaient très noirs. Et donc, il avait l'apparence d'un homme, qui était commun, qu'ils avaient l'habitude de voir, quelqu'un qu'ils voyaient, qu'ils entendaient. Ils entendaient sa parole et ils profitaient de lui. Et dans le verset 8 et 9, dans Surat Al-An'am, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit, et ils dirent, pourquoi il ne fait pas descendre sur nous un ange? Et il dit, et si un ange descendait sur eux, et yani, si on avait fait descendre un ange sur eux, ça aurait été réglé pour eux. C'est-à-dire, ça aurait été terminé pour eux. Hein? Et on leur aurait pas donné de répit. Ça aurait été fini. C'est le châtiment qui serait descendu. Et il dit, et si on en avait fait un, si c'était un ange qui était descendu, on en aurait fait un homme. Hein? Donc l'ange, quand il descend, il vient aux êtres humains. Yani, si c'était un prophète qui était venu comme ange, eh bien, yani, ça aurait été un ange à forme d'être humain. Et il dit donc qu'il aurait parlé avec les gens et il l'aurait vu et ça aurait été un être humain qui leur ressemble comme eux. Hein? Et ensuite, il explique l'autre partie. « وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ » يعني وما صاحبكم بمجنون في سورة التكوير il dit أي محمد يعني ليس بمجنون كما تقولون ولقد رآه أي رأى جبريل عليه السلام على خلقته بالأفق المبين يعني رآه في بطحاء مكة لما رفع رأسه وإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها له 600 جناح وكل جناح سد الأفق يعني وهذه الرؤية الأولى والرؤية الثانية يعني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة المعراج فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على خلقته الملكية يعني إلا مرتين مرة في بطحاء مكة ومرة يعني ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وما عدا ذلك يأتيه في صورة رجل. Donc ici le cheikh explique que يعني Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne dans Surat At-Takwir, il mentionne le verset 22, yani, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et votre compagnon n'est nullement fou. » Il l'a effectivement vu, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, à l'horizon clair, au clair horizon. Et il explique qu'il a vu Jibril, alayhi salam, c'est-à-dire dans sa vraie forme. Dans sa forme réelle, quand il est ange. Et il bil ufuq al mubin, c'est-à-dire dans l'horizon clair, hein, lorsqu'il était à Mecca, il a levé ses yeux vers, il a levé sa tête, et il a vu Jibril entre le ciel et la terre. Et il était dans la forme d'ange, yani dans laquelle Allah l'a créé. Hein, il possède 600 ailes. Et avec un seul de ses ailes, il peut couvrir l'horizon au complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'avait vu à ce moment-là. Et c'était la première fois qu'il le voyait. Et la deuxième fois, c'est dans l'exemple qui est mentionné dans Surat al-Najm. C'était lors de Al-Mi'raj, lors de l'ascension. Dans le verset qui est mentionné dans le Coran à ce sujet-là, Surat al-Najm, le verset 13 et 14, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha. » Et c'est-à-dire que lors de l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé au-dessus des cieux, il a vu à ce moment-là Jibril la deuxième fois, hein, sous sa forme d'ange. Donc la première fois c'était à Mecca et la deuxième fois c'était quand il est monté dans les cieux. Et dans les autres occasions où il l'a vu, c'était sous la forme humaine. Ensuite, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite d'autres versets. Il dit, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ يعني أي بِمُتَّهَم يعني بِمُتَّهَم يعني وفي القراءة الأخرى بضنين يعني بضنين وبضنين أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض وما هو بقول وما هو بقول شيطان الرجيم فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عما زجره ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah continue l'explication du verset dans Surat al-Takwir. Et là, il cite le verset 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Il explique qu'il y a deux récitations de ce verset-là. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. C'est-à-dire, yani, une version, c'est avec le dhad, le dha, et l'autre avec le dhad. Bizanin et bidanin. Et en ce qui concerne la signification bizanin, c'est-à-dire il n'est pas accusé à propos du raïb que Allah lui a révélé. Hein? Il n'est pas accusé de quoi que ce soit par rapport à ce qu'il a connu du raïb, qu'est-ce que Allah lui a révélé. Et dans une autre narration, une autre citation, bidanin avec dad. Et dans ce sens-là, ici, ça voudrait dire ce que ça signifie. Dans la traduction, ils l'ont traduit selon cette signification-là avec le dad. C'est-à-dire, il ne garde pas avarement pour lui ce qui lui a été révélé. C'est-à-dire que il ne garde pas la connaissance qu'il a reçue d'Allah de façon avare. Plutôt, il la donne à tout le monde. Ce n'est pas comme ceux qui gardent la science ou qui cachent la science et qui ne la donnent qu'en échange de quelque chose. Hein? Et le verset 25, par la suite, « وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ » Et ce n'est pas la parole d'un diable, hein? d'un diable banni. Et donc, le cheikh, il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il purifie Jibril d'être yani un diable ou d'être un shaitan, de même qu'il purifie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un poète ou d'être un devin. Hein? Et il dit ensuite, donc les alliés d'Allah, les muttaqoun, al-awliya, les rapprochés d'Allah parmi ses serviteurs pieux, ce sont ceux qui prennent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et qui font ce qu'il a ordonné et qui s'abstiennent de ce qu'il a réprimandé de faire ou condamné de faire. Et ils prennent l'exemple donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il leur a expliqué de la religion et qui le suivent. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires sur ces versets-là. Et donc il explique comme par exemple ici, il dit « Bidhanin bidha ay bimuttahim min al-dhanna wa huwa l'ittiham » أو ما هو على الغيب بضنين بالضاد أي ببخيل فيكتم ما أوحاه الله إليه بل إنه يبلغ ما أنزل الله إليه ولا يبخل بما أوحاه الله إليه. Donc il explique ici que les deux narrations, il y en a une, c'est avec le dhad, le dha, pardon, c'est dans le sens de l'accusation ou le fait d'être dans une personne contre qui ou envers qui on a des doutes. Donc il n'est pas douteux dans ce qu'il reçoit du raïb et de la révélation. Il n'est pas accusé dans son honnêteté par rapport à ça. Et une autre explication aussi, une autre citation, c'est avec ad-dad. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Et c'est-à-dire avare. Il n'est pas avare de cacher ce que Allah lui a révélé. Hein, plutôt, il le transmet et il le diffuse. Hein, il n'est pas avare Et le cheikh explique, il dit بِالضَّنِينَ بِالضَّادِ أي بِكَاتِمٍ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَبَخِيلٌ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أو لَا يُبَلِّغُهُ إِلَّا بِجُعْلٍ أو مَالٍ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ يُبَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَلَا يَطْلُبُ أَجْرًا مِنَ النَّاسِ. Donc le cheikh il explique que donc bidonin avec le dad ça veut dire donc avare, donc il n'est pas avare, et il explique aussi que ça veut dire également qu'il ne cache pas ce qui lui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il le transmet, et il ne fait pas comme ceux qui gardent ce qui lui a été révélé et qui ne le donne ou qui ne l'enseigne qu'en échange de quelque chose, quelque chose en retour. Et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ça dans le verset 90 dans Sourate Al-An'am, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, c'est-à-dire dit au Muhammad, je ne vous demande pas de salaire pour ça, je ne vous demande pas de compensation ou d'argent pour ça. C'est-à-dire qu'il le transmet et il ne demande rien aux gens. Ensuite, par rapport à le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que donc c'est pas la parole d'un diable banni. Donc, il a purifié Jibril, il a purifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Il a purifié Jibril d'être un shaitan, c'est-à-dire il n'est pas un diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a purifié également dans d'autres versets en disant qu'il n'est pas un poète et qu'il n'est pas un devin. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Kama taquloun innahu tanazzal ash-shayatin »« Innahu min tanazzul ash-shayatin »« Allahu » عز وجل قال وما تنزلت به الشياطين إنما هذا على الكهان لا على الرسل. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné que les diables ne descendent pas sur lui, comme c'est mentionné dans le verset 210 dans sourate al-shu'ara qu'on a expliqué il y a quelques cours. Et il explique que les diables ne descendent que sur les devins et non pas sur les messagers. Ensuite, il dit, par rapport à le fait que, par exemple, il faut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là et s'abstenir de ce qu'il a interdit et faire ce qu'il a ordonné. Et le cheikh, il dit, « Allahu subhanahu wa ta'ala bayyana manhum awliya Allah » وذلك في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن الإيمان بالله والتقوى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فأولياء الله هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمرهم به ويتركون ما نهاهم عنه لأن هذا معنى التقوى فالتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هؤلاء هم أولياء الله أما من ادعى أنه من أولياء الله وهو ليس من المؤمنين المتقين المطيعين لله المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن وليست المسألة الدعوة ليست المسألة الدعوة وإنما المسألة بالحقيقة فإذا قيل هذا ولي ننظر في عمله هل هو مطيع لله ورسوله ويتقي ربه سبحانه وتعالى فهذا ولي لله عز وجل أو هو عاص لله ورسوله مخالف للشريعة فهذا ليس وليا لله وإنما هو من أولياء الشيطان. Donc le cheikh explique ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié qui sont ses serviteurs rapprochés, et il a expliqué ça dans le verset qui sont ses awliya, qui sont ses alliés et ses serviteurs rapprochés dans le verset 62 et 63 dans sourate Yunus. Il dit certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, hein, parmi ses alliés, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété, c'est-à-dire hein, qui ont obéi à Allah et qui se sont écartés de ce qu'il a interdit et qui se sont préservés donc du châtiment d'Allah de cette façon. Donc ceux-là sont les awliya d'Allah, c'est eux les vrais awliya, hein, ceux qui ont la foi et qui ont at-taqwa. Et donc, parmi les exemples de ce qui rentre dans la foi et dans la piété at-taqwa, eh bien, il y a le fait de suivre les messagers. Donc, les vrais alliés d'Allah, et les vrais rapprochés d'Allah, ce sont ceux qui ont suivi le messager, hein, et qui font ce que le messager a ordonné et qui délaissent ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit. Et c'est pour ça que c'est la signification même de at-taqwa en arabe. Parce que at-taqwa, ça signifie de faire ce que Allah ordonne et de délaisser ce que Allah a interdit. Tandis que, donc ça c'est les awliya d'Allah qui agissent ainsi. Tandis que ceux qui prétendent être des awliya d'Allah, eh bien ce ne sont pas des awliya d'Allah, hein, ils ne font pas partie des croyants qui sont pieux et qui obéissent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc, s'ils sont comme ça, donc ils ne sont pas des awliya d'Allah. Ils sont plutôt des awliya du shaitan, parce qu'ils n'obéissent pas à Allah. Hein? Ils sont pas des obéissants, ils sont pas des hommes et des femmes obéissants ou obéissantes aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent sa sunna et qui respectent ses ordres et s'abstiennent de ce qu'il a interdit. Donc ce sont des alliés du diable, en réalité, des alliés du shaitan, et non pas des alliés d'Ar-Rahman. Et donc, la question ici, c'est pas de prétendre être un wali, mais plutôt c'est qu'est-ce qui est important, c'est la réalité, qu'est-ce qu'il y a dans la réalité de ça. Et c'est-à-dire que si quelqu'un dit, par exemple, celui-là ou un tel est un wali, eh bien, il faut analyser ses œuvres, analyser ses actions et voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il est obéissant à Allah et à son messager? Est-ce qu'il se préserve d'Allah, son Seigneur? Hein? Subhanahu wa ta'ala. Et donc, si c'est le cas, alors oui, dans ce cas-là, on va dire oui, c'est un serviteur d'Allah, un rapproché d'Allah, un wali d'Allah. Hein? Ou bien si c'est une personne qui est désobéissante, qui désobéit à Allah et à son messager et qui contredit sa sharia, alors dans ce cas-là, on va dire non, ce n'est pas un serviteur d'Allah rapproché, ce n'est pas un wali d'Allah, ce n'est pas un allié d'Allah, mais un allié du diable, du shaitan. Ensuite, le shaykh, il dit فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِّنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِّنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمُ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ. Donc ici, donc, il parle, Ibn Taymiyyah, il parle à propos de ses serviteurs rapprochés et c'est de ses alliés. Il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala les supporte par ses anges et par un âme, un esprit de lui. Et il lance dans leur cœur, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lance de ses lumières dans leur cœur. Et ils ont également divers prodiges par lesquels Allah les honore, hein, parce qu'ils sont ses serviteurs rapprochés et parce qu'ils sont ceux qui se préservent d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Et ici, le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici assez important par rapport à ça. Et donc, il explique que il dit « فَهَوْلَا يُؤَيِّدُهُمُ اللَّهِ » بروح منه يعني بقوة إيمانية ونور في قلوبهم وهذا كما سبق في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء هم أولياء الله الذين يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون في الله ويبغضون في الله وهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أما الذين أو أما الذي ليس عنده فرق بين المؤمن والكافر كلهم عنده سواء يعني فيعني بين المطيع يعني لا فرق بين عنده بين المطيع والعاصي فهذا ليس وليا لله وهذا ولي للشيطان. Donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il supporte ses serviteurs rapprochés et il les aide avec un esprit venant de lui, c'est-à-dire une force spirituelle, une force dans la foi et avec une lumière dans leur cœur. Comme on l'a expliqué, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet dans le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, tu ne trouveras jamais un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père ou leur fils ou leur frère ou leur famille. Ceux-là, Allah a, il a prescrit la foi dans leur cœur et les a raffermis ou les a supportés par un âme venant de lui, c'est-à-dire une force dans leur foi. Et donc, il dit, ceux-là sont donc les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, ceux qui aiment Allah, ou bien ceux qui aiment Allah et ceux qui détestent Allah, et ceux qui, s'affilient avec les croyants pour Allah et qui ont de l'animosité envers les gens pour Allah, c'est-à-dire ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah. Ceux-là sont les alliés d'Allah et les serviteurs rapprochés d'Allah. Tandis que ceux qui ne distinguent pas entre le croyant et le mécréant, ou ceux qui ne distinguent pas entre l'obéissant et le pécheur, et qu'ils considèrent que tout le monde est pareil, ceux-là ne sont pas des alliés d'Allah, rapprochés d'Allah, plutôt ce sont des alliés du shaytan. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit « Wa'ouliya Allah » أيضا يمدهم الله بالإيمان يعني قوة الإيمان والنور الذي يجعله الله في قلوبهم يميزون به بين الحق والباطل ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى ويميزون وهؤلاء تكون لهم كرامات يعني ليس بلازم أن الولي تكون له كرامات لكن قد تكون له كرامات والكرامة هي الأمر الخارق للعادة يعني يجريها الله على يد الولي إما لإقامة الحجة على المخالف وبرهانا على صدقه وإما لحاجة بالناس فهذا يأتي شرحه إن شاء الله تعالى فالكرامة تكون إما بحجة في الدين أو لحاجة المسلمين وهي الأمر الخارق للعادة الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فالأمر الخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة وإن جرى على يد ولي فهو كرامة وإذا جرى على يد كافر فهو خارق شيطاني وليس كرامة وهذا كما سبق بيانه وتفصيله. Donc, on va expliquer jusqu'ici. Le cheikh, il explique que également les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah et ses alliés, eh bien, Allah leur donne le support par la foi, par une force dans la foi et par une lumière qu'il met dans leur cœur. Et il les aide à distinguer entre le vrai et le faux et il les fait voir par la lumière d'Allah. Et ils arrivent donc à distinguer entre les choses. Et donc, ceux-là, ils peuvent parfois avoir aussi ce qu'on appelle des prodiges, des karamates. C'est-à-dire que ce n'est pas une nécessaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali, qu'il puisse effectuer des prodiges ou des miracles ou des choses de ce genre, des choses miraculeuses. Il dit que c'est possible que quelqu'un soit un wali d'Allah et qu'il ait des karamates, les karamates qui est le pluriel du mot karama. Et karama, c'est la chose que quelqu'un fait qui est surnaturelle, qui n'est pas habituelle. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux pieux serviteurs parfois et aux serviteurs rapprochés de pouvoir justement faire certaines choses qui sont miraculeuses comme ça, ou qui sont des prodiges. Et il le fait par la main de certains d'entre ses awliya, dans le but d'établir la preuve contre un opposant ou dans le but de d'établir la véracité à son sujet, c'est-à-dire pour prouver qu'il est il est véridique, ou bien parfois à cause du besoin des gens. Il y a des gens qui ont ce besoin-là. Peut-être qu'ils ont une faiblesse dans la foi ou quelque chose comme ça. Ils ont besoin de voir quelque chose de concret ou un miracle ou quelque chose comme ça. Alors, il fait en sorte que ces hommes pieux-là puissent faire ce genre de miracle. Mais comme il l'a expliqué, le cheikh, il dit, on va l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Mais il faut savoir que ce genre de karama, yani, c'est possible que ce soit pour établir une preuve dans la religion, ou bien parce que les gens, ils ont un besoin de voir ça, ou bien parce que yani, il veut également montrer sa véracité ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit que, par contre, ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali, qu'il fasse des choses qui sont surnaturelles ou hors de l'ordinaire. Hein? Il dit, parce que ça, c'est les choses qui sont hors de l'ordinaire comme ça, il n'y a personne qui peut les faire excepté Allah. Et si si Allah subhanahu wa ta'ala, il permet que une personne qui est prophète fasse quelque chose qui est surnaturel de cette façon, alors dans ce cas-là, on l'appelle miracle, hein, en arabe, mu'jiza. On l'appelle mu'jiza, c'est-à-dire on l'appelle un miracle. Ça, c'est quand c'est un prophète qui le fait. Lorsque c'est un homme pieux, parmi ceux qui ont suivi le prophète, hein, et qui ont été sur la sunna, celui qui a suivi le prophète et qui fait des choses qui sont hors de l'ordinaire ou qui sont surnaturelles comme ça, on va dire que c'est des karamates. Et lorsque c'est un kafir ou un mushrik qui fait des choses qui sont surnaturelles comme ça, on va dire que c'est une ruse du shaitan, hein, ou une chose que le shaitan lui permet de faire, une ruse, hein, comme de la magie ou de la sorcellerie ou des choses comme ça. Mais ça rentre pas dans les karamates. Mais il y a beaucoup de gens qui ne distinguent pas entre ces choses-là et qui pensent que ce que le sorcier ou le magicien fait, hein, comme sorcellerie ou comme chose surnaturelle, il le rentre dans les karamates aussi. Et donc, certains marabouts, hein, qui sont des sorciers en réalité, les gens, ils pensent que ce sont des hommes pieux et qu'ils font des karamates, alors qu'en réalité, ils font ça avec l'aide des diables et ils font en fait de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec les karamates. Et le cheikh, il dit, « وَكَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَتَفْصِيلُهُ » Il dit, comme on l'a déjà expliqué et comme on l'a détaillé. Il dit, « فَإِنَّ الْكَفَرَ وَالسَّحَرَ وَأَتْبَاعُ الشَّيَاطِينَ تَكُونُ لَهُمْ خَوَارِقَ أَيْضًا » يعني يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار وغير ذلك ولا تضرهم يعني يدخلون النار ولا تضرهم وهذا كله من المخارق الشيطانية فلا يغتر بها ما دام أنهم ليسوا من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسوله فهذه الخوارق إنما هي خوارق شيطانية من باب الابتلاء والامتحان يعني تخدمهم الشياطين فتطير بهم في الهواء وتمشي يعني بهم على الماء ويعني تحضر لهم الأشياء البعيدة وتخدمهم الشياطين يعني فليسوا أولياء لله ولا يغتر بما معهم من الخوارق يعني أما إذا جرى الخارق على يد مؤمن تقي فهذه كرامة من الله عز وجل أعانه الله بها وأمده بها فكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب بالقرآن وبالسنة أما في القرآن فكما في قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم من الأمر الخارق للعادة وكما في قصة مريم أنها يأتيها يعني رزقها وهي في مصلاها لا يعني لا تخرج ولا تذهب ويأتيها رزقها يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني أي المصلى الذي اعتزلت فيه يعني احتجبت فيه عن الناس وجد عندها رزقا يعني مع أنها لا يدخل عليها أحد ولا يأتيها أحد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهذا من الكرامات لأن مريم صديقة كما قال الله يعني ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يعني فهي من أولياء الله فالله يرزقها وهي في مصلاها وهذا من الكرامات التي يجريها الله على يد عبد تقي مؤمن من عباده لحاجته إليها أو لأجل أن يحتج يعني بها على المخالفين. Donc ici le cheikh il explique. نعم. Donc le cheikh il explique maintenant. Il dit que donc les sorciers, les mécréants, les kuffars, les gens qui suivent les diables, ils peuvent parfois faire des choses surnaturelles. Ils peuvent parfois marcher sur l'eau ou même parfois ils volent dans les airs ou bien ils peuvent marcher sur du feu ou rentrer dans du feu et ça ne leur fait pas mal, ça ne leur fait rien. Ça, c'est des choses diaboliques. Et donc, il ne faut pas être trompé par ça du moment que ces gens-là ne sont pas des croyants et ils ne sont pas des gens qui ont at-taqwa. Et ce ne sont pas des gens qui obéissent à Allah et à son messager. Donc, ils font des actes qui sont surnaturels ou des choses qui sont hors de l'ordinaire, mais c'est des choses diaboliques. Et la raison pourquoi ils arrivent à faire ces choses-là, c'est pour, en réalité pour tester les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à ces gens, à ces diables-là de faire ça pour tester les gens et pour les éprouver dans leur sincérité. Et en réalité, yani, ceux qui font ces choses-là, les diables les servent, les diables sont à leur service et c'est eux qui les font voler dans les airs et qui les font marcher sur l'eau et qui leur font venir des choses de très loin et qui sont à leur service. Donc ce ne sont pas des awliya d'Allah parce qu'ils font ces choses-là. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un fait des choses qui semblent être miraculeuses ou qui semblent être surnaturel, que ça veut dire que la personne en question, elle est automatiquement un wali. Parce qu'il y a des gens qui ont cette idée-là ou cette mentalité-là, nasallahu al-afiyah. Et donc, le cheikh, il explique ici que ça, c'est des diables, en réalité, qui leur permettent de faire ça. Et donc, ce ne sont pas des awliya d'Allah. Et il ne faut pas se laisser tromper par ce qu'ils font comme chose surnaturelle. Même il y a des magiciens, parfois, aujourd'hui, surtout, qui arrivent à faire toutes sortes de choses. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre comment ils peuvent faire des choses comme ça, comment ils peuvent faire des choses pareilles. Ça, c'est incroyable. Et bien, tout ça, c'est le shaitan qui leur permet de faire ça. Si c'est, des fois, c'est juste des illusions qu'ils arrivent à ensorceler les yeux des gens, mais des fois c'est aussi juste parce que le diable les aide, les shaitans les aident, et ainsi de suite. Et il dit en ce qui concerne par la suite les choses surnaturelles qui peuvent se produire par la main de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est sur la sunna, quelqu'un qui est yani, sur l'obéissance d'Allah et de son messager, et bien ça on appelle ça des karamat qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aide ces gens-là à faire cela et il les supporte par cela et ce sont donc des choses qui sont établies comme la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a c'est le fait qu'il faut accepter et croire qu'il y a des awliya qui peuvent faire des karamat et ça c'est établi par le Coran et c'est établi aussi par la Sunna. Et parmi les exemples de ce qui est mentionné à ce sujet-là dans le Coran, il y a l'histoire des compagnons de la caverne. Il y a une sourate qui a été révélée là-dessus, sourate Al-Kahf. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout ça, ça fait partie des karamat. De même que l'histoire de Mariam, la mère de Jésus, et la subsistance que Allah lui faisait parvenir dans son lieu de prière, alors que elle ne sortait pas et elle ne venait pas. Il n'y a personne qui venait la voir. Et malgré tout, chaque fois que Zacharie venait pour voir qu'est-ce qu'elle faisait, eh bien, yani, subhanallah, yani, il trouvait auprès d'elle de la subsistance et de la nourriture, alors qu'elle n'était jamais sortie, hein, et personne n'était entré vers elle. Alors il lui disait, yani, d'où est-ce que tu as eu ça? Et elle répondait en disant, cela vient d'Allah. Il donne à qui il veut la subsistance sans calculer. Donc ça, ça fait partie des exemples des karamates, hein, des prodiges et des miracles. Et Maryam, elle est une siddiqa, c'est une véridique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le verset 75 dans Surat al-Ma'ida, lorsque elle dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Et il y a eu d'autres messagers avant lui, et sa mère était une véridique. Donc, ça veut dire que Yani, elle fait partie des serviteurs rapprochés d'Allah. Et Allah lui donne sa subsistance alors qu'elle est dans son lieu de prière. Et ça fait partie des karamat que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ces choses-là se produisent par la main des gens pieux parmi les croyants, soit pour un besoin yani, qu'ils ont de cela, ou bien soit parce que yani, les gens ont besoin de ça, ou bien parce qu'on veut établir une preuve contre les opposants des messagers et des prophètes. Et yani, ça fait partie des explications et des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y ait justement ce genre de karamat qui se produisent. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « Wa khiyaru awliya illah »« Naam, wa khiyaru awliya illah »« Yani karamatuhum li hujjatin fid din »« Ou li hajatin bil muslimin »« Li hajatin bil muslimin »« Kama kanat mu'jizatu nabiyyihim »« Alayhi salatu wassalam » Yani kadhalik. Ok, donc nous on va s'arrêter ici parce que ici c'est l'heure de la salat. Donc on va s'arrêter ici. On continuera l'explication au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته